Bonjour à toutes et à tous, ici Claude Blecbeller qui va vous raconter la petite histoire de sa vie. Pour la période qui va de avril 1989 au 31-12-2005. Il s'agit ici de la dernière partie de ma vie professionnelle, toujours dans les matériaux de construction, mais cette fois-ci comme directeur régional de l'enseigne Big Mat. J'ai quitté donc mon job de directeur de négoce pour accompagner un réseau de 40 négociants situés entre Menton et Perpignan, sans oublier la Corse. Mes bureaux étaient à Aix-en-Provence. Ma mission, accompagner chaque négociant dans sa gestion commerciale, comptable et financière, sans oublier dans sa politique de communication. L'idée était de fédérer toutes ces entreprises indépendantes autour d'une même centrale d'achat régionale, à l'instar des groupes alimentaires Super U et Intermarché. J'avais un job passionnant, vivant et riche en rapports humains. La dynamique de groupe était le maître mot. Au départ, tout s'est bien passé pendant une petite quinzaine d'années. L'échelon régional était à ma taille, à taille humaine, chaque négoce allait dans le même sens. Chaque région, puisque l'enseigne était organisée en régions, chaque région travaillait avec ses adhérents sur le partage d'expériences, les économies d'échelle et les ressources humaines. Un beau jour, Paris, notre siège avait embauché un directeur, puis une directrice pour rassembler autour d'une même politique nationale ce réseau d'environ 250 négoces. Là, notre siège parisien a voulu nous retirer notre délégation régionale pour fondre chaque région dans une vraie et unique politique nationale. Les achats nationaux et la communication étaient difficiles à mutualiser pour donner une meilleure visibilité du groupement. À cette époque-là encore, le marché des matériaux de construction se rétrécissait. Les permis de construire diminuaient en France et en Europe. La concurrence était rude avec des groupements de négociants tels que Point P et Pinault. À cette époque, nous avions commencé à faire l'Europe des matériaux dans une organisation qui s'est appelée Euromat. Ce fut une passionnante aventure avec une réunion trimestrielle des grands groupes européens de matériaux de construction dans les principales capitales européennes. Là, nous rencontrions nos grands fournisseurs européens pour organiser nos achats. Nous y préparions de très jolis voyages. En Chine, où nous avons si mal mangé, en Namibie, pour y voir de beaux espaces, au Guatemala, où les jaguars et les couleurs locales nous ont enchantés, en Floride, en Canada, et au Canada, pour faire un chaud-froid. Et là est arrivé le début du commencement de la fin pour ma carrière professionnelle. Effectivement, j'ai dû, en 1989, peut-être 2000, je ne me souviens plus exactement, organiser mon licenciement. C'est un licenciement bizarre qui s'est passé en deux temps. D'une part, en l'an 2000 ou 2001, par M. Jean-Pierre Duchesne, mon premier directeur, qui un beau jour me convoque à Nancy, où là nous avions encore notre siège, pour m'annoncer le licenciement. Avec un motif complètement futile. Licenciement qui, semble-t-il, lui avait été demandé par son conseil d'administration et qui voulait ma tête. Donc, me voilà à Nancy à négocier dans un premier temps ce départ. Départ qui devait être précipité. Départ que j'ai négocié, vous voyez, j'en ai même un petit peu de mal à évoquer tout ça, avec mon directeur au cours d'un déjeuner. Déjeuner au cours duquel je lui ai demandé tout ce qui me venait à l'esprit pour faciliter mon départ et assurer quand même, j'avais encore quelques années à tirer, hein, professionnellement, je n'étais pas à ma retraite, donc j'ai demandé des formations et ci et ça, etc. Le soir même, rentrant à Aix-en-Provence, j'ai fait un mail de confirmation pour matérialiser notre entretien et dénommer tout ce que j'avais demandé et qui m'avait été accordé par mon directeur. À ce moment-là, je me suis retrouvé à devoir partir lors d'un voyage professionnel au Canada. Et ce voyage professionnel achevé, je reviens à mes bureaux pour apprendre que mon directeur avait été licencié. Donc celui qui me licenciait avait été lui-même licencié. Mais avait-il fait état de notre entretien de licenciement à mon encontre ? Nulle trace. Nulle trace par... J'ai eu beau chercher, rien. Donc, ma vie professionnelle a repris son cours pendant 2 ou 3 ans, jusqu'à l'embauche de ma deuxième directrice qui s'appelait Edwige la tueuse, pour me licencier avec quelques autres avec moi dans une même charrette. Nous étions trop vieux, trop chers, trop cons. Et là, on était en 2004. Et un beau jour, me voilà convoqué, cette fois-ci à Paris, pour me notifier mon licenciement. Là, fort de ma précédente expérience, les choses ne se sont pas passées de la forme attendue par ma directrice. Elle a trouvé face à elle un individu complètement préparé à assumer son licenciement, mais à poser des conditions et des exigences qu'un licenciement à l'amiable ne pouvait pas facilement permettre. Il m'a donc fallu 3 ans environ pour négocier avec cette dame et obtenir ce que j'avais fixé dès le départ, c'est-à-dire 3 ans de salaire. Je ne pouvais pas partir avant ma retraite qui devait avoir lieu en 2006 sans 3 années de salaire pour tenir le choc jusque-là. Voilà, les choses se sont bien passées. J'ai atteint mon objectif. Dans le même temps, en 2002, j'ai rencontré Michaela avec qui nous nous sommes installés dans un très bel appartement à Aix-en-Provence début 2003. J'ai quitté l'enseigne Big Mat le 31-12-2006 et nous avons à ce moment-là quitté, Michaela et moi, la Méditerranée pour rejoindre l'Atlantique et nous installer en 2007 chez Claudine dans les côtes de Blaye près de Bordeaux. Mais tout ça est une autre histoire que je vous raconterai une autre fois.